Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'épisode 6 du podcast de Papa Cassette. Je continue comme j'ai fait à l'épisode 5, seul au micro, en faisant ça de type un petit peu plus chronique, un petit peu plus court. Et puis, je voulais remercier tous les gens qui ont écouté l'épisode 5 et puis qui étaient contents de voir que je revenais sur la map un peu parce que ça faisait effectivement très longtemps que je n'avais pas fait de podcast. Donc, je pense que la formule est bonne. La preuve, j'en fais un deuxième en deux semaines, dans le fond. Je peux faire ça chez moi tranquille le vendredi soir, quand les enfants dorment. Et puis, cette semaine, comparé à la semaine passée, je suis en meilleure forme. J'ai bu pas mal moins hier soir, jeudi, chez Arcane Montréal, donc c'est très bon. J'ai fait attention, d'ailleurs. Je suis quand même capable de faire preuve de retenue de temps à autre. Mais il faut avoir du plaisir dans la vie, puis j'ai un bar, puis ça sert à ça. Donc, parlant de bar, ce soir, j'avais envie, comme sujet, de vous expliquer un peu comment est-ce que Arcane Montréal en est venu à exister. Et puis, comme tout l'historique de tout ça. Et puis, pour ce faire, il faut que je recule assez loin dans le temps, puis que je parle un peu de moi-même. Donc, je vais commencer ça à l'instant, drette comme ça. D'abord, j'ai mon travail à moi, c'est d'être designer graphique. J'ai travaillé dans quelques agences, j'ai gradué de l'UQAM en design. Ben tiens, on va partir du début dans le fond. Je suis beauceron, j'ai quitté la Beauce à 17 ans pour aller faire un DEC en graphisme au Cégep de Sherbrooke. Ensuite, j'ai déménagé à Montréal pour faire un bac en design graphique. Et puis, ça durait 3 ans, le DEC, 3 ans, le bac, dans le fond. Donc, j'ai gradué en 2013 et puis j'ai commencé à travailler dans les agences à partir de ce moment-là. Or, vers 2008, c'est là que j'ai commencé à être travailleur autonome. Donc, j'ai trouvé un client qui m'aimait bien, dans le fond, et puis qui m'a donné beaucoup de travail. Fait que là, j'étais pris entre est-ce que je garde ma job puis je fais des contrats en même temps. Mais là, en 2008, j'ai eu mon premier garçon. Donc là, je pouvais pas avoir un enfant, mon premier enfant, puis avoir deux jobs. C'était juste pas possible. Fait que j'ai décidé de faire le grand saut. J'ai lâché ma job et puis j'ai pris les contrats que le client me donnait en espérant qu'il allait m'en donner d'autres et puis que je puisse vivre de cette façon-là. Pardon. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Donc, depuis 2008, je suis travailleur autonome, surtout à la maison. J'ai déjà eu un bureau avec des amis et tout, mais c'était tranquille. Donc, j'ai eu des bureaux ici et là, mais j'ai tout le temps vécu, j'ai tout le temps fait mon propre travail. Je me suis débrouillé pour trouver mon propre travail. Et puis, à travers tout ça, j'étais dans les jeux vidéo toujours. Ça a toujours été une passion, mais j'étais relax par rapport à ça. J'étais pas un hardcore collectionneur. Je faisais juste comme jouer aux jeux que j'avais. Puis quand je voyais un qui m'intéressait, je l'achetais. Donc, c'est ça. Et puis, ça continuait de grossir en moi. Et puis, 2 ans plus tard, en 2010, c'est là que j'ai comme eu envie de faire un setup de gaming dans ma chambre pour voir les jeux que j'avais, parce que je commençais à en avoir un petit peu plus, je commençais à ramasser d'autres consoles comme un Coleco et tout ça, puis je voulais avoir mes jeux dans ma face. Donc j'ai réussi à convaincre ma blonde de prendre le vieux meuble de télé, puis une vieille bibliothèque, puis de faire ça dans un coin de notre grande chambre qu'on avait dans notre appartement dans ce temps-là. Donc, c'était un peu dépareillé, mais tu sais, j'étais comme « wow », c'était mon premier setup de gaming, et puis j'ai adoré ça. Donc, à partir de là, j'ai voulu continuer à voir qu'est-ce qui existait dans le rétro, tu sais, y a-t-il une communauté, y a-t-il quelque chose? Fait que j'ai fait des recherches sur Internet, et puis j'ai trouvé le CCJVQ, le Club de collectionneurs de jeux vidéo du Québec. Fait que, ça faisait pas longtemps que Facebook existait dans ce temps-là non plus, donc c'était vraiment un forum et puis il y avait pas grand-chose là-dessus sur Facebook, là, c'est pas comme aujourd'hui. Donc c'est là, en 2010, que j'ai commencé à être vraiment plus dans les jeux rétro, puis à les collectionner, puis à les chasser, puis à être vraiment là-dedans. Là. Mais ce qui est arrivé aussi, par exemple, moi, de nature, je peux avoir des problèmes d'anxiété. Ça date de très longtemps, quand j'étais en troisième année, c'est là que je me souviens de mes premières attaques de panique, dans le fond, qui m'empêchaient d'aller à l'école. Fait que ça n'a pas été simple. Et puis ça m'est arrivé aussi à d'autres reprises, là, en 2014. Et puis, j'ai eu des épisodes comme ça. Puis à chaque fois que j'ai consulté pour m'aider, puis pour me donner des outils, dans le fond, pour passer au travers de ça. Fait que ça allait bien depuis longtemps. Et puis c'est ça, en 2011, alors que j'étais travailleur autonome à la maison, encore, nouvelle maison qu'on venait juste d'acheter d'ailleurs, ça m'a repogné comme l'anxiété. Puis tellement que là, ça m'a comme déprimé, tu sais, je voyais pas de... J'étais déçu de moi-même, je comprenais pas pourquoi je faisais de l'anxiété comme ça, j'étais stressé puis tout, puis là, il y a comme une dépression qui a embarqué, fait que j'étais vraiment en dépression, puis je faisais des attaques de panique cet été-là, ça allait vraiment pas bien. Fait que j'ai consulté encore une fois, et puis ça a bien été, j'ai réussi à passer au travers de ça, mais je me suis dit, il faut que je change d'air, faut que je change mon travail, ça doit être mon travail, tu sais, je suis peut-être déprimé à la maison, ça marche pas, je suis tanné d'être là, j'essaie de trouver le pourquoi, donc j'ai décidé de quitter le travail autonome, puis de retourner en agence. Et puis, j'ai travaillé à l'agence CRI dans le Vieux-Montréal pendant un an. Ça a bien été, mais mon style de design, qui est très corporatif dans le fond, fitait pas vraiment avec ce que la place faisait, qui est vraiment plus du marketing, promotionnel de produits ou des trucs de terrain et tout ça. Activer les produits des clients, dans le fond. Moi, c'est plus straight corporate design, là, si je peux dire. Donc, c'est ça. Après un an, là, on est en 2012 encore. Donc, l'été, je suis rentré chez CRI à l'été 2012. Et puis, ça n'a pas marché. Donc, après un an, j'ai quitté. Je me suis entendu avec l'employeur et tout. Puis là, on était à l'été 2013. Puis, j'espérais pouvoir reprendre mon gros client avec qui j'étais travailleur autonome depuis tout ce temps-là. Et j'ai repris, et puis j'ai recommencé à travailler pour eux autres. Je suis retourné chez moi, travailleur autonome, après avoir passé cette année-là en agence. Puis pendant toute cette année-là, j'étais ultra anxieux encore, puis stressé, mais il fallait que je fasse la job, tu sais. Puis là, quand je suis revenu chez nous, j'ai comme eu une... j'étais comme soulagé, tu sais, j'étais bien. J'étais bien de retour dans mes pantoufles, dans ma zone de confort, puis tout ça. Donc là, j'étais vraiment plus relax, là. Et puis, j'ai eu mon deuxième enfant aussi, dans le fond, pendant que je travaillais chez CRI. Donc, j'avais un petit bébé là, qui n'avait pas un an encore. Mais de retour à la maison, comme ça, j'étais vraiment plus à l'aise. Et puis, les choses se sont bien alignées parce qu'en septembre 2013, donc quelques mois plus tard, j'ai reçu un message de Francis Johan Rodrigue. Lui, dans le fond, il fait partie du collectif de musique chiptune montréalais qui s'appelle Toy Company. Ben dans ce temps-là, en tout cas. Et puis, eux autres Toy Company ils faisaient de la musique au Funzo, qui est un bar qui existe toujours d'ailleurs au centre-ville de Montréal, sur la rue Drummond. C'est un bar de jeux vidéo rétro et puis un peu de jeux de table aussi. Et puis, c'est pas très connu, étrangement. Même si ça existe depuis longtemps, ils font pas beaucoup de pub, pas beaucoup de marketing, rien. Moi, je savais que ça existait, mais je n'étais jamais vraiment allé, dans le fond. Fait que c'est Alain, le propriétaire du Funzo, et puis Fun aussi, qui est un Asiatique, qui était propriétaire du Funzo, qui a communiqué avec Francis pour dire qu'il voulait des soirées rétro dans le Funzo. Fait que Francis, me connaissant parce que j'avais commencé à faire de plus en plus de la vente de jeux depuis un an, et puis il m'avait acheté quelques jeux. Donc, il m'a proposé, et puis je suis allé rencontrer les gens du Funzo, et puis on s'est entendu. Donc, c'est que j'allais faire des soirées rétro là-bas. Donc, c'est à partir de septembre 2013 que j'ai commencé à faire des soirées rétro dans les bars, et puis les animer. Et puis, dans le fond, la façon que je fonctionnais dans ce temps-là, par soirée, j'avais un thème. Et puis, je faisais une petite compétition, comme par exemple des jeux de Disney. On va jouer à juste des jeux de Disney au NES, au Super NES, au Genesis, puis tout ça. Puis la compétition, ça va être à DuckTales, mettons, High Score, tout ça. Fait que j'ai fait plein de thèmes comme ça. J'ai fait plein. Castlevania, Contra, les shmups, des jeux qui marchent avec des guns, toutes sortes d'affaires. Et puis, ça a eu un beau succès. Les gens se sont vraiment regroupés dans ces soirées-là. Et puis, d'abord, l'audience de Rétro Nouveau, dans le fond, beaucoup de gens qui écoutaient Rétro Nouveau puis qui étaient des gens de Montréal ou bien pas loin de là, sont venus là-bas, au Funzo. Et puis, c'est là que j'en ai connu plusieurs, dont Martin, qui est devenu par la suite Martin Hébert, qui est devenu mon partner. Je vais en reparler plus tard. Qui m'avait connu, dans le fond, parce que lui, il trip Atari. Et puis, à Rétro Nouveau, j'avais fait des capsules vidéo dans le temps qu'on avait décidé de faire la vidéo sur Frostbite à l'Atari. Puis, il disait, c'est qui ce malade-là qui fait de la couverture de jeux Atari à Montréal? Je vais aller voir c'est quoi cette soirée-là. Et puis, donc, c'est ça. Et puis, bon, Mario Ramos, qui est maintenant le gérant d'Arcane Montréal. Beaucoup de monde qui m'achetait des jeux aussi. Puis qui sont venus là, Michael, Carl, Robert, Michael Larouche. Écoutez, tout le crowd, là, toute la gang là, présentement que je connais bien. Il y en a une bonne partie qui vient là, dans ce temps-là. Et puis Élie Rodrigue aussi, qui est également mon partner d'Arcane Montréal, que j'ai connu à ce moment-là parce qu'il écoutait Rétro Nouveau. Et puis, lui, il amenait tout le temps des affaires. Il amenait des consoles, il amenait des trucs. Fait qu'il a tout le temps été... Il a tout le temps trippé là-dedans. Et puis, il était là pas mal à toutes les semaines, là, dans le fond. Fait, tout le monde était très... Il venait tout le temps à toutes les semaines. Fait que c'était bien trippant. Donc, on s'est tous connus là. Et puis, ça a très bien été. Genre, je faisais une soirée à toutes les deux semaines. Et puis, j'ai fait ça de septembre 2013 jusqu'à... après Noël, à l'été 2014. Ça, c'est un nouveau chapitre. Et je vais prendre une gorgée de bière pour me désaltérer avant de continuer. Donc, c'est ça. À l'été 2014, ça marchait encore. C'était super cool au Funzo et puis tout ça. Mais ce qui me gossait un peu, c'est qu'il fallait tout le temps que j'apporte plein de consoles, que je débranche toutes mes affaires chez nous, que j'amène mes jeux, puis là j'arrive là-bas, j'étais comme vite, faut que je me set up, faut tout que je branche les consoles, est-ce que le projecteur il marche, oui, non. C'était tout le temps comme un fouillis, tu sais, puis je passais une bonne heure, hein, une heure et demie à brancher ça, puis à me stresser, et puis à tout, genre, trouver des jeux, à faire des flyers, puis j'étais même pas payé en plus. Ben, je demandais pas à être payé au début, mais bon, là, j'avais la bière et puis la bouffe gratuite, puis c'était bien cool. Mais là, c'est peut-être moi qui étais un peu bonasse là, avec le temps. J'aurais peut-être dû demander à être payé. Mais j'étais pas à l'aise au début. Je voulais comme faire mes preuves. Là, je trouvais ça important. Et puis, c'est ça. Mais vers la fin, j'étais payé. Puis, c'était bien correct. Mais malgré tout, je trouvais que c'était beaucoup de travail. Là, c'était beaucoup de gossage. Puis moi, j'aime pas trop ça gosser. Puis, je faisais beaucoup de ventes de jeux encore. Ça y allait en grandissant. Donc, j'ai commencé à avoir en tête l'idée que je pourrais peut-être me pogner un local. Et puis, dans ce local-là, je ferais mon travail autonome, que je fais encore, bien sûr, c'est mon gagne-pain. Et puis, je pourrais avoir mes jeux là-dedans pour les vendre, et je ferais mes soirées de jeux là-dedans. Donc, tout sous le même toit. Comme ça, je peux comme déclarer ce loyer-là comme dépense de travailleur autonome, parce que c'est mon bureau. Et puis, j'ai plus besoin de rien débrancher ni rien. Tout est sous le même toit. C'est le spot à Papa Cassette, dans le fond. Donc, c'est ça que je voulais. Puis, c'est ça que j'ai fait. Je marchais ici, près de chez moi. J'étais sur la rue Frontenac. Et puis, j'ai vu un duplex, dont le rez-de-chaussée. Ben, le duplex était à vendre. Mais le rez-de-chaussée, il y avait comme des barreaux. Et puis, des vitres étaient comme avec une pellicule de plastique brouille, là, pour pas voir à l'intérieur. Fait que ça avait l'air d'un commerce. Donc, j'ai appelé le proprio. Puis, je l'ai convaincu que même si je ne voulais pas acheter le building, de me louer en attendant que lui réussisse à vendre, de me louer le rez-de-chaussée. J'ai expliqué ce que je voulais faire et tout. Et puis, j'attendais de ses nouvelles. Et puis, bon, là, une couple de semaines après, je retournais en Beauce dans la belle famille. J'étais dans l'auto. Là, je reçois un message. Et puis, le proprio me dit « OK, je suis prêt à le faire ». Là, c'était comme « Oh, est-ce que je saute là-dedans ?» Parce que là, c'est comme ce loyer-là, ça me coûtait, je ne me rappelle plus exactement, mettons 600$. C'est beaucoup d'argent. Là. Si personne vient à mes fameuses soirées, là, ben ça me coûte 600 x 12, plus de l'Internet, plus d'assurance, plus toutes ces cochonneries-là. Donc, ça va vraiment... faut que ça marche, sinon j'aurais pas d'argent. T'sais. J'avais de l'argent de côté. Si le projet avait foiré, j'aurais tout perdu mon argent que j'avais de côté, mais j'aurais pas été dans marge. J'aurais juste plus eu de coussin, dans le fond, que je me bâtissais tranquillement avec le temps. Mais, fait que c'est ça. Et puis, j'ai commencé à parler de ça au Funzo. Et puis, Martin Hébert, que je parlais tantôt, lui, il a toujours voulu avoir une machine de Mortal Kombat 2 chez lui. Mais sa blonde n'était pas d'accord. Fait qu'il a dit, si tu fais ça, je vais acheter une machine puis je vais la mettre dans ton affaire. Fait que, dans ton projet, tu sais. Fait que c'était bien drôle, puis tout ça, mais finalement, on s'est mis à jaser, et puis Martin, puis moi, bien sûr, on avait comme des idées d'avoir une place avec beaucoup d'arcade. J'ai tout le temps été fan d'arcade, mais j'étais plus console avant tout. Martin, très arcade, fait que tout ça ensemble, ça connectait. Et puis, il a voulu se joindre à moi là-dedans, mais seulement pour la partie de vente de jeux pour commencer. Et puis, donc, avec la vente de jeux, on allait pouvoir s'acheter des arcades puis pour mettre dans le local, pour faire des soirées plus grosses, accueillir plus de monde, puis tout faire grossir la patente. Fait que c'est ce qu'on a fait. Et puis, ça allait bien. Dans ce temps-là, en 2014, c'était pas mal plus facile de trouver des lots de jeux et puis de faire la vente. Là. La marge de profit était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Et puis... les lots de jeux, là, t'en voulais, t'en achetais. Là. C'était quasiment carrément ça. C'était vraiment facile. J'avais tout le temps de l'inventaire. Fait que, donc, c'est ça. On a commencé à faire des soirées. Au début, je voyais ça grand. Je voulais que ma blonde, elle aussi, était d'accord, là, qu'on fasse de la bouffe, tu sais. Puis que, dans le fond, dans les soirées, il y ait de la bouffe. Pour 20$, t'avais de la bouffe, là. De la bonne petite bouffe, tu sais, des wraps au poulet, des affaires de même. Et puis des bonbons, des snacks, et puis tout ça. Et puis une compétition où est-ce qu'on donnait un prix. Et puis c'était apporter votre alcool. Donc le 20$ te donnait droit à jouer à tout ce qu'il y avait dans la place. Dans ce temps-là, il y avait juste deux arcades, dans le fond, une machine MAME et puis une Killer Instinct. Et puis on a commencé de MAME. Et puis toute la gang qui nous suivait au Funzo. Nous ont suivis là, j'étais bien content. Il y en a d'autres qui se sont joints aussi, dont Éric Hébert du podcast Le Geek Collectif, qui est encore dans le projet aujourd'hui. J'en reparlerai plus tard. Donc, puis d'autres personnes se sont greffées à ces soirées-là. Et puis, pour revenir au Funzo, c'était comme, on dirait, nouveau le concept d'avoir des soirées gaming et puis tout ça. Fait que ça a commencé à attirer l'attention des médias. C'est là que j'ai été pour les premières fois à la télé, dans des documentaires, à la radio, dans le journal. Donc, les gens, ils faisaient des couvertures là-dessus, sur les jeux rétro, les soirées de jeux rétro. Fait que ça m'a donné de la visibilité. Donc, c'est ça. Or, dans mon local... ça a continué, ça, avec une couple d'articles dans le journal. Et puis ça a juste comme continué à booster les gens qui venaient dans la place. Donc, les ventes de jeux allaient bien. Les gens venaient aux soirées. Les soirées, il y avait quand même pas mal toujours du monde. Là. C'est rare qu'il y avait des soirées vides ou avec peu de gens. Ça arrive. Et puis, j'ai appris plus tard qu'il faut pas se stresser avec ça. Donc, c'est ça. Et puis, donc on a continué d'acheter des arcades, à acheter des jeux, à grossir la patente. Puis là, à un moment donné, on s'est mis à déborder là, pas mal. Là. On avait des arcades partout dans la place. On a enlevé des futons, on a enlevé des consoles. C'est fou comment ce petit 1,5 $-là, on l'a changé avec le temps. Fait que c'est ça. Pour les soirées, la bouffe, là, finalement, ça marchait pas. Là. Ma blonde, c'était bien trop de préparation chez moi. La bouffe, fallait faire garder les enfants. T'sais, comme faire payer une gardienne, déjà, ça enlevait la moitié du profit. T'sais, donc, puis donner cette bouffe-là, tout ça, c'est trop cher. Fait qu'on a juste switché pour des chips, des beaux Doritos, avec des bonbons, des cochonneries, de la liqueur, et puis on donnait ça aux gens. Puis c'était quand même correct. Fait qu'au début, tu venais pour 20$, t'avais juste deux arcades. Vers la fin, sur Frontenac, t'en avais 8, je pense, avec des consoles puis de la bouffe. Et puis, on avait du gros fun. Mais là, je trouvais qu'on commençait à être coincé. Puis, Martin et moi, on s'est mis à la recherche d'un autre local. Encore une fois, il fallait que ce local-là, il soit près de chez moi parce que, tu sais, vu que j'ai des enfants, il faut que je fasse des allers-retours là assez simplement. Et puis j'avais tout le temps du stock à transporter. Donc j'avais commencé sur Frontenac à l'été 2014. Et puis on a quitté. Et puis on a trouvé un local sur la rue Moreau dans Hochelaga au printemps 2015 qu'on a ouvert. Donc ça, c'était un loft, un genre de grand loft industriel. Et puis, on avait vraiment de la place là-dedans. C'était très beau. Un mur de briques, plancher de bois. On est allé chez Ikea, moi et Martin, comme des amoureux. On a acheté le full de stock. On a vraiment investi dans la déco puis dans le look de la place pour que ça soit le plus hot possible. Acheter un frigo, un évier, un buffet, tout le kit, là. Puis on a continué d'acheter des machines, donc tout allait toujours en grandissant. Puis on continue à vendre des jeux aussi. Donc ça faisait juste faire boule de neige, tout ce projet-là. Et puis, donc c'est ça, on a roulé sur Moreau pendant un bout, mais on gardait toujours en tête notre désir d'ouvrir un bar arcade un jour avec des consoles. Mais on réussissait pas. Parce que c'est sur Moreau, quand on était sur Moreau, c'est là qu'on a commencé à faire des démarches auprès des arrondissements. On est allé au bureau de l'arrondissement d'Hochelaga, et puis on est allé au bureau d'arrondissement de Ville-Marie. Et puis toutes les deux nous ont dit la même chose. Tu peux pas avoir des machines de divertissement, des machines d'amusement avec un débit de boisson. Eux autres, une machine d'amusement. L'arcade, ça compte comme une machine d'amusement pour eux autres, même si on leur expliquait que non, et les machines seraient gratuites et puis tout ça. Ils disaient « Ah non, c'est comme ça ». Fait que c'était vraiment ça le problème. Et puis, on s'est buté à toutes les portes. On a visité des locaux. Moi-même, on est allé dans Saint-Henri, on est allé partout. J'ai appelé des propriétaires, plein de propriétaires, pour essayer de trouver une place pour le bar en même temps qu'on cherchait pour en même temps qu'on allait voir la ville à maintes reprises. Et puis comme ça, tout buguait partout, il y a personne qui voulait nous louer, puis la ville voulait pas, fait que là ça faisait vraiment chier. Fait que là, un vendredi matin, hangover du jeudi qu'on avait eu une soirée là, j'ai décidé d'envoyer un tweet à Denis Coderre le maire de Montréal, pour lui dire que toutes les villes du monde, toutes les villes nord-américaines avaient des bars arcades. Et puis qu'il y a juste à Montréal qu'on peut pas, puis fait quelque chose, tu sais. Fait que là, j'ai demandé à la communauté de tout partager mon tweet et puis de faire le plus de bruit possible par rapport à ça. Chose qu'ils ont fait. Et puis, le maire a fini par répondre après une couple de jours à mon tweet. Il a dit « Je vais y jeter un œil ». Mais bon, ça, c'était juste cute, là. Et puis, ça donnait rien. Mais par contre, cette attention médiatique-là ça a été un gros plus pour nous autres, dans le fond. Et puis, je vais continuer là-dessus. Je vais prendre une autre gorgée. Et puis, juste pour en finir avec le tweet, c'est très drôle parce que le tweet, il y a eu tellement de d'action dessus, de likes puis de retweets, que maintenant, le tweet existe encore. Et puis, c'est juste genre des porn stars qui retweet puis qui like cette affaire-là. Je sais pas comment ça fonctionne Twitter pour ça, là. Et c'est comme s'ils essayent de pogner tous les tweets qui ont le plus de visibilité puis de retweeter puis de commenter ou je sais pas quoi. Fait que c'est vraiment devenu un tweet à porn star. Je sais pas si Denis, il reçoit les mêmes notifications par rapport à ça. Si oui, il doit avoir hâte que je delete mon tweet, mais je ne le ferai pas parce que c'est très drôle. Mais c'est ça. Donc, tout ce tapage-là, ça l'a attiré le journal de Gazette qui ont fait un gros article sur tout ça. Et puis, ça l'a attiré aussi d'autres médias. Donc, ça a fait beaucoup de bruit. Et puis là, en même temps, ouvrait le... Ah non, je vais en parler plus tard de ça. Fait que, dans le fond, tout ce bruit-là a attiré l'attention de Sébastien, qui était propriétaire d'un bar sur Saint-Denis qui s'appelait le Exit. Et puis, Sébastien, c'est le bar d'Éric Lapointe. Et puis, le Exit était un bar à spectacle. Même si Éric Lapointe avait juste 10% dans le business, le monde voyait vraiment ça comme le bar à Éric, tu sais. Mais ça marchait pas vraiment bien. Et puis, Sébastien a essayé de trouver autre chose là, pour mettre dans ce bar-là, pour que... Pour pour sauver le navire, là, finalement. Fait que c'est là qu'il a communiqué avec moi. Puis il voulait nous parler, là, puis voir si on était intéressé à déménager notre concept dans le Exit. Donc, nous autres, on était un petit peu sur nos gardes, parce qu'avec les années aussi, on avait rencontré toutes sortes de numéros, et puis bien du monde qui était supposément bien hot, bien big, qui avait bien des idées, mais que finalement, c'était n'importe quoi. Donc, c'est ça. Là, on était comme un peu avant Noël, on était en novembre, Sébastien était bien pressé qu'on fasse le move, mais nous autres, il n'était pas question qu'on fasse le move tant que la ville n'avait pas approuvé quelque chose, tu sais. Fait que là, on est allé. Dans le fond, il y avait Sébastien et puis Eric, qui était aussi un des actionnaires du Exit, qui étaient les deux gars avec qui on était intéressés à faire affaire pour ce projet-là. De notre côté, il y avait moi, Martin Hébert, que j'ai mentionné tantôt, puis Élie Rodrigue aussi, que j'ai mentionné du Funzo, dans le fond, qui a continué à venir à toutes nos soirées, à nous aider avec les soirées. Et puis à setuper toute l'électronique en arrière de ça. Donc, un moment donné, moi et Martin, on lui a demandé s'il voulait être actionnaire, ben partenaire dans notre projet, si on allait faire le bar. Puis, il a dit oui. Fait que c'était nous trois avec Eric et Sébastien. Et puis, on est allé à la ville. Et puis là, comme avec tout le bruit que ça a fait, toutes les affaires, toutes les forwards d'articles de journaux, puis de patentes, tous les échecs qu'on a eus, je leur ai tout envoyé ça. Puis là, il était vraiment comme plus organisé, prêt à nous recevoir. Il y avait un petit comité. Fait qu'on s'est tout assis, tout le monde autour de la table. Et puis finalement, très vite, en regardant les règlements comme il faut, en nous prenant au sérieux, chose qui n'avait jamais vraiment été faite auparavant dans les autres bureaux d'arrondissement, ils ont regardé ça comme il faut, puis ils ont dit, nous autres, on a dit que les machines étaient gratuites. Puis là, ils ont dit, ben, s'ils sont gratuites, ça compte pas comme des machines d'amusement. Les machines d'amusement, il faut que tu payes à la partie, il faut que tu payes la machine. Fait que là, il n'y avait soudainement plus aucun problème de zonage ou quoi que ce soit, vu que les machines n'étaient pas payantes. Fait que on aurait toujours pu faire notre concept. Ça n'a jamais été un problème. C'est juste que personne ne nous l'avait dit parce que personne n'avait regardé comme il faut. Or, eux autres ont regardé comme il faut cette fois-là. Puis, ils en ont conclu qu'il n'y avait pas de problème. C'est totalement ridicule. Fait que là, on leur a demandé une confirmation par courriel. Confirmation que je garde précieusement dans mes emails. Que personne n'allait nous faire chier avec ça. Et puis voilà, on est sorti du bureau, puis on s'est tous regardés dans les yeux, puis on s'est dit, bon ben, on le fait-tu, tu sais, on est prêt à le faire, fait que voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça, c'était un meeting après Noël, dans le fond, en janvier, il faisait vraiment froid, et puis c'est là qu'on a commencé à travailler tous ensemble pour construire, dans le fond, Arcane Montréal, et puis on a ouvert le bar en avril, 1er avril 2016, dans le fond. Fait que j'ai fait un an sur Frontenac, j'ai fait un an sur Moreau, puis après ça, on a parti à Arcane Montréal, puis on est ouvert là, depuis un an et demi et quelques mois, dans le fond. Non, presque un an et demi, en fait, pardon. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est quand même quelque chose, ouvrir un bar, je vais vous dire, parce que ça demandait des investissements. Je peux vous expliquer un peu la technique derrière ça, parce que c'est quand même intéressant, on fait pas ça tous les jours. Donc, nous, on achetait le Exit, et puis le Exit était déjà un bar tout équipé, et puis il y avait de l'argent là-dedans, un fonds de commerce, de la bière, de l'alcool, et puis tout ça. Donc, nous autres, on devenait actionnaires de ça. Il fallait qu'on rachète tous les autres actionnaires qu'on gardait pas et puis qu'on achète notre partie du bar, dans le fond. Fait que ça allait être Sébastien et Eric, chacun 25%. Moi, Martin et Élie, on se divise l'autre 50% à 3. Fait que c'est comme ça qu'on s'est entendu pour les parts. Et puis, bon, on arrivait avec du stock, nous autres aussi. On avait toutes les arcades, on avait tout le matos, on avait du mobilier et tout ça. Fait que au final, fallait quand même débourser chacun de l'argent. T'sais. Bon, moi, j'étais pas mal le plus pauvre de la gang. Donc, mais ça donnait bien parce que c'était le temps de faire de re-signer une nouvelle hypothèque pour ma maison. Or, je pouvais avoir accès à une marge de crédit hypothécaire parce que j'avais payé sur ma maison depuis une couple d'années. Ma maison avait pris quand même pas mal de valeur parce que l'immobilier, ça prend de la valeur. Fait que là, j'avais accès à de l'argent là, pour faire le move. Donc, je me suis endetté, dans le fond. J'ai pris de l'argent sous ma marge de crédit hypothécaire, la moitié. Et puis, j'ai injecté ça pour racheter mes parts du bar, dans le fond, puis pour être actionnaire du bar. Fait que, that's it, j'ai sauté de même dans le vide. Puis on s'est dit, encore une fois, ben, si ça chie, on vendra tout, ça va repayer un peu notre investissement. Puis, coudonc, je repayerai ça avec les années. Mais je voulais le faire, puis il fallait le faire, parce que on avait trop ça en tête depuis longtemps, tu sais. Fait que, c'est ça. Puis ça a été, bon, un succès. Le premier mois, c'était fou, là. Il y avait des line-up dehors tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, ça allait super bien. Et puis, ça a tout le temps bien été depuis un an et demi. Puis, ce que j'ai appris en étant propriétaire de bar, c'est qu'il faut pas que tu te stresses quand il y a personne ou quand c'est à moitié vide, les mardis soirs de novembre, puis des affaires de même, tu sais. Parce que nous autres, on regarde les caméras, OK, il y a tout le monde en place, on regarde les ventes à tous les jours, comment est-ce qu'on ferait pour remplir les petites soirées, puis tout ça. Puis avec le temps, on s'est tous détachés de ça un peu, puis on a laissé le bateau voguer tranquille, tout en étant actif, tout en faisant des affaires le fun, tout en améliorant notre produit, toujours, changer les airs climatisés, rajouter des ventilateurs, switcher les bières, travailler les cocktails. Il y a toujours des choses à faire. Fait que je pense que c'est ça qui fait le succès aussi. On fait pas juste s'asseoir sur ce qu'on a construit, on le peaufine continuellement. Et puis, c'est ça. Fait que, donc, là, c'est merveilleux. Un an plus tard, on va déjà pas mal tout avoir remboursé nos investissements, tout le monde. Puis, aussi, on a racheté un des partners. On va racheter Eric. Fait que Sébastien va tomber 40, et puis moi, Martin et Lee, on va tomber à chacun 20. Donc, on a plus d'actions dans le bar, ça, c'est très bien. J'ai pas peur de vous dire ces affaires-là, parce que c'est tout en ligne sur le registre des entreprises, dans le fond. C'est de matière publique. Donc, c'est ça. Et puis, avec l'argent du bar, là, cette année, on fait rien. On se repaye tout le monde, on se garde un coussin. Et puis, l'année prochaine, en 2018, comme j'ai expliqué au dernier podcast, là, on pourrait peut-être penser à un genre d'expansion, quelque chose de même. On a des idées. Fait que tout ça, c'est bien excitant, là, tu sais. Mais c'est ça, le succès d'Arcade Montréal est grandement dû au fait que la gang du Funzo du tout début, qui nous ont suivis sur Frontenac, sur Moreau, qui sont venus dans le bar, à ça s'est ajouté plein d'autres personnes avec le temps, dont Éric Hébert, qui est super important pour le projet Arcade Montréal, dans le fond, qui est apparu sur Moreau. Sur Frontenac, puis je pense qu'il m'a raté aucune soirée en 2 ans. Et puis maintenant, il est DJ à toutes les semaines. Et puis, il est sur la page Facebook. Il est super actif. Et puis, il est merveilleux. Donc, c'est un personnage clé du succès du bar. Et puis, la façon qu'on fait, Mario Ramos aussi, qui a participé à Retro Nouveau, qui participe encore pour le blog que j'ai connu en y vendant des jeux au Funzo. Qui a proposé d'être boss boy à notre ouverture, et puis finalement on en a fait notre gérant, ce qui est encore gérant aujourd'hui. Donc tout ça, c'est tout du monde de confiance, puis tout du monde qui met l'épaule à la roue pour que le projet marche. Donc ça aide là, pour le succès de la chose. Par contre, au niveau familial, avoir un bar, c'était vraiment une grande inquiétude. Ici à la maison, tu sais, avec les 2 enfants, je vais-tu être parti tout le temps, tu sais, je peux pas devenir un oiseau de nuit là, puis mener une vie de bar avec 2 jeunes enfants à la maison. Mais personne ne pouvait faire ça de toute façon parce qu'on a tous des jobs de jour et puis on peut pas lâcher nos jobs de jour qui payent notre rythme de vie puis qui payent nos maisons, nos enfants, nos chars, nos dépenses pour un bar, tu sais. Fait que, dans le fond, ça prend des employés, ça prend un gérant, et puis il faut que chacun fasse ses tâches comme il faut, nous-mêmes, les propriétaires surtout. Et puis, c'est comme ça qu'on fonctionne. Comme moi, je m'occupe des médias sociaux, les contacts, comme quand c'est le temps d'aller télé, radio, toutes ces affaires-là, je le fais. Tu sais, toute la visibilité, dans le fond, autour du projet, puis tout le design, le logo, tous les visuels, les événements, toute la patente. Dans le fond, moi, j'essaie de rassembler et puis d'activer de par les médias sociaux. Et puis, bon, la déco du bar aussi, des affaires de même un peu. Martin, lui, son rôle, ça a tout le temps été de réparer les machines puis les maintenir en parfaite fonctionnalité. Et puis, Jonathan Brochu aussi s'est joint à nous pas mal sur Moreau. Et puis maintenant, il fait partie d'Arcade Montréal. Il aide beaucoup là, à tous les niveaux, à réparer les machines, à aller chercher à faire des commissions, tout ça. Fait que ça, c'est un autre personnage clé du projet. Et Lee, lui, s'occupe de booker. Martin s'occupe aussi du staff. on s'en occupe tout un peu. Martin s'en occupe un peu plus. Élie s'occupe de tout ce qui est électronique en arrière, dans le bar, tous les systèmes informatisés, tout ça. Et puis de booker les événements corpo. Et puis Sébastien, lui, c'est notre gars de jour qui s'occupe de la comptabilité. Et puis des commandes de bière. Et puis quand on a des rénaux à faire, de comme orchestrer les travaux. Et puis ça, quand on a besoin de quelque chose, on calle Seb puis il nous le trouve, là, dans le fond. Fait que... C'est, il sert à ça. Puis grâce à ça, grâce à notre façon de fonctionner, bien, on peut tous continuer à travailler dans nos jobs. Et puis le bar fonctionne numéro un. Et puis on maintient une présence là, sur place de cette façon-là. Fait que c'est notre façon de faire. Et puis quand moi je vais chez Arcade Montréal, quand on va tous chez Arcade Montréal le soir, bon, on a des petits yogas à faire, là, mais c'est tout le temps pour se détendre et s'amuser. Et puis nous autres, on travaille vraiment plus dans le jour et puis on communique entre nous pour faire toute la gérance et la gestion de tout ça. Fait que ça prend un bon système et puis je pense qu'on a un bon système. Avec le temps aussi, là, on s'est chacun donné nos tâches puis il faut pas que les autres interviennent dans le job des autres parce que sinon ça finit plus puis on fait juste parler tout le temps. Moins que tu parles, quand t'as pas besoin de parler, ça veut dire que ça va bien puis ça roule. Fait que c'est ça qu'on a découvert avec le temps aussi. Fait que là, on est bien chill puis on est prêt à aller de l'avant. Donc, c'est bien excitant tout ça. Et puis, c'est comme ça que ça s'est passé, en gros. Une petite gorgée de bière encore. Donc, je pourrais en parler encore pendant des heures et des heures. Il y a tout ça, des histoires, toutes sortes d'affaires qui se sont passées. Comment ça... Ça n'a pas tout le temps été facile non plus, des chicanes avec d'autres, fait que c'est un univers fascinant. Mais je vais arrêter ça là pour ce soir, ça fait déjà 35 minutes, et puis j'essaie de garder ces podcasts-là cool. Donc voilà, j'ai la face dans ce projet-là, bien sûr, c'est un projet principal, donc je continue là-dedans, et puis c'est sûr que je vais vous en reparler encore. Et puis, je continue à fonctionner comme avant, travailleur autonome à la maison, gestionnaire de bar sur le side, et puis avec les enfants, donc je suis bien occupé. Puis, j'aimerais des fois avoir plus de temps pour être plus présent dans les projets de mes amis, tout ça, les Power Chasers, chasser les jeux online, gaming, tout. Mais en tout cas, je fais mon possible, et puis c'est déjà bon avec Retro Nouveau et tout. Puis, j'en profite pour vous remercier tout le monde de me suivre et puis d'écouter ce que j'ai à dire. Concernant mon podcast, je me suis réécouté, j'ai écouté mon premier épisode et puis c'était très bien. Mais excusez, mon dernier épisode, je me suis dit, il faut que je sois un peu plus funny, il faut que ça soit crunchy un peu, parce qu'à Rétro Nouveau, je sais pas, je suis pas mal trash, je sais pas pourquoi, c'est comme supposé être clean, c'est là que je suis le plus dégueu, mais c'est comme un défoulement en même temps, je trouve ça drôle, puis j'essaie de faire rire les autres, mais quand t'es tout seul, c'est bien dur de faire rire quiconque. À part vous. Mais c'est ça. Ben, je vais faire mon possible. En tout cas, j'espère que vous trouvez que le dynamisme est bon et puis que je suis pas endormant. Donc, voilà. Alors, encore une fois, si vous voulez me parler, me donner du feedback ou quoi que ce soit, écrivez sur le post de l'épisode sur Facebook ou bien écrivez-moi en privé. Ça me fait toujours grandement plaisir. Là, je viens de dire privé, un peu comme le chef Daniel Vézina de Québec. C'est parce que je viens de la Beauce et puis j'ai comme un accent. Un accent de la Beauce qui reste, un petit fond. Et puis à Québec aussi, les E, comme ça reste aussi là, dans le monde de Québec, là, on dirait. Fait que ça vient de là. Et puis ça fait mon charme quand même. Mais ça me gosse quand je m'entends dire ça. Ou quand j'entends Daniel Vézina dire ça. Parce que j'écoute les chefs, moi, je suis cool de même. Donc voilà, très important que je mentionne cela. Alors merci tout le monde. Et puis je vais essayer d'en enregistrer un autre la semaine prochaine. Pourquoi pas, c'est la fête du travail qui va commencer. Je vais peut-être avoir le temps. Ma blonde va être là. Non, on verra. Mais deux en deux, c'est très bien. Alors merci beaucoup et puis à bientôt. Ciao!